Exercice 1. Excusez-moi, mais je vous dis que ce n'est pas de ma faute. Le problème, c'est que je ne vois pas pourquoi votre ligne téléphonique ne fonctionne pas. Mais j'ai eu le même problème le mois dernier et le mois d'avant. Je pense que c'est à votre compagnie de trouver la cause. Alors, peut-être qu'il faut changer la boîte de contrôle. Mais ça ne va rien me coûter ? En principe, non. Mais il est possible que ce ne soit pas notre faute non plus. Vous avez fait des réparations récemment dans votre appartement ? Oui. Où ça ? J'ai peint tout l'appartement. Et vous avez touché les fils du téléphone ? Je les ai peints et j'ai peint aussi la boîte de contrôle. Alors monsieur, je pense que ça peut venir de là. Il y a peut-être de la peinture dans la boîte. Ça vous va si je passe mercredi soir chez vous ? À quelle heure ? Vers 6h30. Parfait. À mercredi. À mercredi.